Henry Miller, après, parmi d'autres, ses premiers romans autobiographiques « Tropique du cancer »,« Printemps noir » ou « Tropique du capricorne », se lance à l'occasion du choc de son voyage en Grèce en 1939 dans la chronique de ses rencontres et de sa découverte au long d'un essai brillant, truculent et critique. Cette expérience constitue pour Miller, à 48 ans, un tournant profond dans sa carrière d'écrivain. Le Colosse de Maroussi, d'Henry Miller, extrait. Deuxième émission. Corfou, Calamy, Athènes. Nous sortîmes du Pirée vers les 5 heures de l'après-midi. Le soleil était encore une vraie fournaise. J'avais fait l'erreur de prendre un billet de seconde classe. Quand je vis s'amener à bord les bêtes, la literie, tout l'invraisemblable bazar que les Grecs traînent avec eux en voyage, je m'empressai de passer en première classe, ce qui coûte à peine plus cher que les secondes. Je n'avais jamais pris de première de ma vie, sauf dans le métro à Paris, cela me parut donc le summum du luxe. Le garçon se baladait sans arrêt avec un plateau chargé de verres d'eau. Ce fut le premier mot de grec que j'appris. Nero. Eau. Et quel mot magnifique. La nuit venait. Les îles montaient dans l'ombre à l'horizon, flottant au-dessus de la mer, toujours, sans jamais y reposer. Les étoiles parurent, éclatantes et splendides. La brise était un velours de fraîcheur. Et d'un coup, je commençais à deviner, à sentir ce qu'est la Grèce, ce qu'elle fut, ce qu'elle sera toujours, quand bien même elle aurait le malheur d'être envahie par les touristes américains. Lorsque le steward me demanda ce que j'aimerais manger, lorsque je compris tant bien que mal ce qu'on nous destinait à dîner, je faillis fondre en larmes. Les repas, à bord d'un bateau grec, sont quelque chose de renversant. Je préfère un bon repas grec à son équivalent français, même si c'est hérésie que de l'avouer. Il y avait des tas de choses à manger, des tas de choses à boire. Il y avait l'air du large et le ciel plein d'étoiles. Je m'étais juré, en quittant Paris, de ne pas en ficher une rame de toute une année. C'était mes premières vraies vacances depuis 20 ans, et j'étais paré pour cela. Tout me paraissait parfait. Le temps n'existait plus. Et il n'y avait plus que moi, à la dérive sur un bateau paresseux. Moi seul, paré à accueillir quiconque se présenterait, à prendre les choses, n'importe lesquelles, comme elles viendraient. Sortant de la mer, comme si Homère en personne s'était chargé de m'arranger cela, les îles planaient, flottaient comme des bouchons, solitaires, désertes, mystérieuses, dans la lumière qui se retirait. Je ne pouvais rien demander de plus. Je ne désirais rien de plus. J'avais tout ce qu'un homme pouvait souhaiter, et je le savais. Je savais aussi que peut-être jamais plus je ne serais ainsi comblé. Je sentais venir la guerre, plus proche chaque jour. Mais la paix durerait encore un petit bout de temps, pendant lequel les hommes pourraient continuer à se conduire en êtres humains. Nous ne traversâmes pas le canal de Corinthe. Il y avait eu un glissement de terrain. Nous fîmes presque le tour du Péloponnèse. Le second soir, escala Patras, face à Missolonghi. Depuis, je suis revenu plusieurs fois dans ce port, toujours vers la même heure, et chaque fois j'ai ressenti la même fascination. On fonce droit sur un grand promontoire, pareil à une flèche fichée dans le flanc de la montagne. Le chapelet de lumières électriques tendu sur le rivage fait penser au Japon. L'éclairage des ports grecs tient de l'impromptu, dégage une impression de fête imminente. À mesure qu'on entre dans le port, les petites embarcations viennent à votre rencontre. Elles regorgent de passagers, de bagages, de bétail, de literie, de mobilier. Les hommes rament debout, poussant la barque au lieu de la tirer. Ils ont l'air littéralement infatigables, dirigeant à volonté leur lourde charge d'un mouvement de poignet, adroit et presque imperceptible. Dès qu'ils accostent le bateau, c'est le pandémonium. Tout le monde se rue où il ne faut pas, Tout est confusion, chaos, pagaille. Mais jamais personne ne se perd ni ne se fait mal, ni ne vole, ni n'échange de coups. C'est une sorte de ferment qui naît du fait que, pour le grec, n'importe quel événement, même le plus usé, est toujours unique. Le grec recommence tout le temps les mêmes choses, chaque fois comme si c'était la première. Il est curieux, avidement curieux, passionné d'expérience. Il cultive l'expérience pour le plaisir, non pour établir une règle, une façon meilleure et plus efficace de faire les choses. Il aime à faire les choses de ses propres mains, de tout son corps, de toute son âme, autant dire. Ainsi se perpétue Homère. Je n'ai jamais lu une seule ligne d'Homère, mais je suis convaincu que le grec d'aujourd'hui n'a pas changé dans son essence. Ou alors, il est plus grec que jamais. Et, ici, je dois ouvrir une parenthèse pour dire un mot de mon ami le peintre Maillot, que j'ai connu à Paris. Il s'appelait Maliarakis de son vrai nom, et il était, je crois, originaire de Crète. N'importe. À l'entrée de Patras, son souvenir m'assaillit violemment. Je me rappelais lui avoir demandé, à Paris, de me parler de la Grèce. Et, brusquement, en pénétrant dans le port de Patras, je comprenais tout ce qu'il avait voulu me dire ce soir-là, et je regrettais qu'il ne fût pas à côté de moi pour partager ma joie. Je me rappelais comme il m'avait dit, tranquillement, solidement, avec conviction, après m'avoir décrit de son mieux le pays. La Grèce vous plaira, Miller, j'en suis sûr. Dieu sait pourquoi ces paroles m'avaient impressionné plus que tout ce qu'il m'avait dit d'autre. Vous plaira. Les mots s'étaient engrangés dans mon crâne. Bon Dieu, oui, ça me plaît, me répétais-je sans fin. Pendant que, appuyé au bastingage, je laissais le mouvement et la pagaille entrer en moi. Je m'adossai pour regarder le ciel. Jamais je n'avais vu son pareil. Une magnificence. Je me sentais complètement détaché de l'Europe. Je venais d'entrer dans un nouveau royaume, en homme libre. Tout s'était conjuré pour donner à cette expérience un caractère unique et fécond. Dieu que j'étais heureux. Mais heureux avec, pour la première fois de ma vie, la pleine conscience de mon bonheur. Être heureux, simplement, ce n'est pas mal. Savoir qu'on l'est, c'est un petit mieux. Mais comprendre son bonheur, en savoir le pourquoi et le comment et le sens, connaître l'enchaînement des événements et des circonstances qui en sont la cause et continuer à être heureux, heureux de l'être et de le savoir, ma foi, cela dépasse le bonheur. C'est de la félicité. Et si l'on avait tant soit peu de sens commun, on devrait se tuer sur le champ et en finir un bon coup. Voilà comme j'étais. Sauf que je n'eus ni la force ni le courage de me tuer sur place. Et je fis rudement bien de ne pas me liquider, soit dit en passant, parce que je devais connaître d'autres moments plus grands encore. Plus grands même que la félicité. Et tels que, si l'on avait voulu me les décrire, je n'y aurais probablement jamais cru. Je ne me doutais pas alors que je me trouverais un jour à Mycène et à Phaestos, ou que, m'éveillant un matin et regardant par le hublot, je verrais, de mes yeux, ce lieu dont j'avais parlé dans un livre sans jamais savoir qu'il existât ni qu'il portât le nom que lui avait donné mon imagination. Il vous arrive des choses stupéfiantes en Grèce. Des choses stupéfiantes et bonnes, comme il ne peut en arriver nulle part ailleurs. La Grèce demeure, on ne sait comment, sous la protection du Créateur. On croit le voir hocher la tête au-dessus d'elle. Les hommes, pauvres chétifs, peuvent bien se livrer à toutes leurs diableries impuissantes, même en Grèce. La magie de Dieu poursuit son œuvre. La race humaine a beau faire ou s'efforcer de faire, la Grèce demeure une enceinte sacrée et le demeurera, j'en reste convaincu, jusqu'à la fin des temps. » Midi était presque à l'apogée quand le bateau jeta l'ancre à Corfou. Durel m'attendait sur le quai, avec son factotum, Spiro Americanus. Il fallait compter près d'une heure, en voiture, pour arriver à Calamy, le petit village où habitait Durel, vers l'extrémité septentrionale de l'île. Avant de nous mettre à table pour déjeuner, nous prîmes un bain devant la maison. Il y avait près de 20 ans que je ne m'étais jeté à l'eau. Durel et sa femme, Nancy, ressemblaient à un couple de dauphins. Ils vivaient dans l'eau, autant dire. Nous fîmes la sieste après le repas, puis nous poussâmes, en barque, jusqu'à une autre petite crique, à environ 1,5 km de là, où il y avait un minuscule temple blanc. Seconde baignade, second baptême, à poil. Le soir, on me présenta à Kyrios Karamenaios, le gendarme de l'endroit, et à l'instituteur, Nicolas. Nous nous liâmes aussitôt solidement d'amitié. Avec Nicolas, je baragouinais un mauvais français, avec Karamenaios, une sorte de langage d'indonnant qui devait l'essentiel de son vocabulaire à la bonne volonté et à un désir de compréhension mutuelle. Une fois par semaine, environ, nous prenions le caïque pour nous rendre en ville. Je ne suis jamais parvenu à aimer la ville de Corfou. Elle a un air décousu qui, le soir, se change en une sorte de démence tranquille qui vous tape sur les nerfs. On passe son temps à s'asseoir et à boire des choses dont on n'a pas envie, ou à tourner en rond, sans but et désespérément, comme un prisonnier. D'ordinaire, je profitais de ces visites pour m'offrir le coiffeur, barbe et cheveux, façon de tuer le temps. Corfou, c'est typiquement un lieu d'exil. Le Kaiser y venait résider avant de perdre sa couronne. Un jour, je visitais son palais par curiosité. Les palais me frappent toujours comme des endroits sinistres et lugubres, mais la maison de fou du Kaiser est, à mon sens, le pire échantillon de loufoquerie que j'ai jamais vu. De quoi faire un excellent musée d'art surréaliste. Toutefois, à un bout de l'île, face au palais abandonné, se trouve le petit coin de Cannonie, d'où l'on domine l'extraordinaire et magique Totten Insel, l'île des morts. C'est là que Spiro vient rêver, le soir, et rêver au temps où il vivait à Rhode Island et où la contrebande de l'alcool battait son plein. C'est le genre de lieu qui appartient de droit à mon ami Hans Reichel, l'aquarelliste. Qu'il soit plein de souvenirs homériques, je le sais. Mais pour moi, il tient plus de Stuttgart que de la Grèce antique. Quand la lune brille et qu'on entend d'autres bruits que la respiration de la terre, on dirait exactement l'ambiance que crée Reichel lorsqu'il est assis, pétrifié dans son rêve, et qu'il devient limitrophe des oiseaux, des escargots et des gargouilles, des lunes fumeuses et des pierres qui suent, ou de la musique chargée de souffrance qui joue constamment dans son cœur, même lorsqu'il se cabre comme un kangourou fou furieux et, de sa queue préhensile, se met à casser tout ce qui est en vue. Si jamais il lui arrive de lire ces lignes et d'apprendre que j'ai pensé à lui devant Totten Insel, d'apprendre que je n'ai jamais été pour lui l'ennemi qu'il s'imaginait, j'en serais rudement heureux. Peut-être fut-ce un de ces mêmes soirs où, assis à Cannonie avec Spiro, je contemplais ce lieu d'enchantement, que Reichel, qui ne nourrissait que de l'amour pour les Français, fut tiré de sa tanière, impasse du Rouet, et jeté dans un camp de concentration sordide. Le grec antique était un meurtrier. Il vivait au milieu de clartés brutales qui tourmentaient et affolaient l'esprit. Il était en guerre avec tout le monde, y compris lui-même. De cette anarchie féroce sont sorties les spéculations métaphysiques, lucides et salutaires, qui continuent, même aujourd'hui, à tenir le monde sous leur charme. En traversant ce défilé, ce qui exige une sorte de manœuvre en svastika pour déboucher à l'air libre et large du haut du plateau, j'avais l'impression de passer à gué des océans fantomatiques de sang. Le sol était non pas brûlé, flétri, convulsé comme d'ordinaire en Grèce, mais blanchi et tordu, tel jadis sans doute les membres déchiquetés, figés dans la mort, des victimes du massacre, laissez-la à pourrir et à nourrir de leur sang, sous le soleil impitoyable, les racines des oliviers sauvages qui de leur serre de vautour s'accrochent au flanc abrupt de la montagne. Elle a dû connaître aussi, cette passe, ces moments de clairvision, où des hommes de races distantes se tinrent, main dans la main, yeux dans les yeux, et s'entre-regardant avec sympathie et compréhension. Elle a dû voir aussi des hommes du calibre de Pythagore s'arrêter pour méditer dans le silence et la solitude, épuiser une fraîcheur nouvelle de clarté et de vision au spectacle de ce lieu de carnage sous son lit de poussière. La Grèce entière est constellée de ces lieux antinomiques. Peut-être cela explique-t-il son émancipation en tant que pays, que nation, que peuple, afin de perpétuer son rôle de carrefour lumineux d'une humanité changeante. À Calamis, les jours se déroulaient comme une chanson. De temps à autre, j'écrivais une lettre, j'essayais de peindre une aquarelle. Les livres ne manquaient pas dans la maison, mais je n'avais pas envie d'en ouvrir un seul. Durel essaya de me faire lire les sonnets de Shakespeare. Après un siège d'une semaine, je finis par en lire un, le plus mystérieux peut-être que Shakespeare ait écrit. Le Phénix et la Tourterelle, je crois. Peu après, je reçus avec mon courrier un exemplaire de la Doctrine secrète. Et celui-là, je le dévorai sans me faire prier. Je relus aussi le journal de Nijinsky. Je suis sûr de ne jamais me lasser de le relire. Très rares sont les livres dont je ne peux ainsi me lasser. Mystère, l'Éternelle Marie. Peut-être devrais-je aussi y ajouter Alice au Pays des Merveilles. En tout cas, mieux valait, infiniment mieux, passer la soirée à bavarder et à chanter ou à rester planté sur les rochers au bord de l'eau avec un télescope à étudier les étoiles. Il faisait frais à Athènes. Assez frais, en fait, pour qu'on supportât un par-dessus. Athènes a un climat tout en saute d'humeur, comme New York. Beaucoup de poussière aussi, dès qu'on se dirige vers les faubourgs. Parfois même au cœur de la cité, où se trouvent les maisons chics aux appartements ultramodernes, la rue n'est qu'une chaussée de terre battue. À pied, on met une demi-heure pour atteindre la lisière de la cité. Et c'est vraiment une très grande ville, de près d'un million d'habitants. Elle a centuplé depuis l'époque de Byron. Les couleurs de fond sont le bleu et le blanc, comme partout en Grèce. Il n'est jusqu'à l'encre des journaux qui ne soit bleu, d'un azur éclatant, ce qui donne à la presse une allure d'innocence et de juvénilité. Les Athéniens dévorent presque littéralement les journaux. Ils sont perpétuellement affamés de nouvelles. Du balcon de ma chambre, au grand hôtel, la vue donnait sur la place de la Constitution. Le soir, cette place est noire de gens, assis par milliers à de petites tables chargées de boissons et de glaces, tandis que les garçons galopent sans trêve avec leurs plateaux de la place au café adjacent. Ce fut là qu'un soir, je rencontrai Katsimbalis. Il rentrait à Amarousion. Pour une rencontre, c'en fut une. De toutes les autres que j'ai faites dans ma vie, s'agissant d'hommes, s'entend, il n'y en a que deux qui puissent se comparer à celle-là. Celle avec Blaise Cendrars et celle avec Laurence Durel. Je n'eus pas grand-chose à dire ce premier soir. J'écoutais, sous le charme, sous l'enchantement de chaque phrase qui tombait des lèvres de cet homme. J'ai vu tout de suite qu'il était fait pour le monologue, comme Cendrars, comme l'astrologue Morican. J'aime le monologue. Je le préfère encore au duo, quand il est bon. C'est comme si vous regardiez quelqu'un écrire un livre expressément pour vous. Il l'écrit, le lit à haute voix, le joue, le révise, le savoure, s'en délecte et se délecte de votre joie, et puis le déchire et le disperse aux quatre vents. Spectacle sublime, car tout le temps où il est en scène, vous êtes Dieu pour lui. À moins que, par hasard, vous ne soyez le dernier des veaux, des impatients et des buteurs. Auquel cas, l'espèce de monologue dont je parle ne se produit jamais. Il m'a paru, cette première fois, comme un curieux mélange. Physiquement, il tenait assez du taureau. Il avait la ténacité du vautour, l'agilité du léopard, la tendresse de l'agneau, des pudeurs effarouchées de colombe. Il avait une tête bizarrement démesurée, qui me fascinait et qui, j'ignore pourquoi, me frappa comme singulièrement athénienne. Les mains étaient plutôt petites pour le corps et un peu trop délicates. C'était un homme plein de vitalité, puissant, capable de gestes brutaux et de paroles rudes, et de qui pourtant, de façon ou d'autre, se dégageait une impression de chaleur veloutée, féminine. Il y avait aussi en lui un fort élément de tragique que rehaussait encore son habileté mimique. Il débordait de sympathie. En même temps, il y avait une férocité rustre. Bien qu'il parût parler constamment de lui-même, c'était sans égotisme. S'il parlait de lui, c'est qu'il était l'être le plus intéressant qu'il connût. Ce genre de vertu me plut infiniment. J'en ai ma petite part, moi aussi. Quelques jours plus tard, je le retrouvai à dîner avec sa femme Aspasie et les Durel. Nous devions rencontrer après le dîner quelques-uns de ses amis. À peine étions-nous ensemble, il débordait déjà comme une source effervescente. Il était toujours ainsi, même dans ses mauvais jours où il se plaignait de la migraine, de vertige, de l'une ou l'autre des 101 maladies qui l'affligeaient. Il nous emmenait à une taverna du Pirée, expliqua-t-il, parce qu'il voulait nous faire savourer à la grecque la cuisine grecque. C'était un de ses bistrots favoris dans le bon vieux temps. « J'ai commis l'erreur de me marier, » disait-il, sa femme l'écoutant avec un sourire indulgent. « Je n'étais pas fait pour le mariage. Pour moi, c'est la fin de tout. Plus le droit de dormir, de fumer, de boire. Je suis foutu. » Il parlait toujours de lui comme d'un homme fichu. C'était un petit leitmotiv qu'il glissait continuellement dans le monologue, histoire de s'échauffer sur un sujet. Même les événements de la veille se noyaient déjà dans la nostalgie de cet éternel passé fichu. Parfois, quand il parlait ainsi, il me donnait l'impression d'une énorme tortue qui serait tombée de sa carapace, d'une créature s'épuisant dans une lutte désespérée pour réintégrer sa coquille devenue trop étroite pour elle. Il faisait tout pour que cette lutte lui donnât l'air grotesque et ridicule, et ce, délibérément. Il riait de lui-même à la façon tragique des bouffons. Tout le monde riait, même sa femme. Si triste, morbide ou pathétique que fût l'histoire, il fallait que tout le monde rie, sans discontinuer. Il trouvait de l'humour à n'importe quoi, ce qui est la vraie preuve que l'on possède le sens de la tragédie. Manger. Manger était une passion chez lui. Depuis son enfance, il était habitué à bien manger et à y prendre plaisir. Et j'imagine que c'est un bonheur qu'il savourera jusqu'à sa mort. Son père avait été fin gourmet, et Katsimbalis, s'il lui manquait certains des raffinements, certaines des perfections sensuelles de son père, suivait la tradition familiale. Entre ses énormes bafrés de carnivore, il se martelait la poitrine comme un gorille avant d'arroser ça d'un muide de rétina. Il avait bu des quantités de rétina en son temps. Il disait que c'était bon pour l'homme, bon pour les reins, bon pour le foie, les poumons, les tripes, l'esprit, bon pour n'importe quoi. Tout ce qu'engloutissait son organisme était bon, ambroisie ou poison également. Il ne croyait pas à la modération, ni au bon sens, ni à rien de ce qui était source d'inhibition. Mais aller jusqu'au bout, et tant pis pour le châtiment, oui, à cela il croyait. C'était Le Colosse de Maroussi d'Henri Miller. Extrait. Traduction de Georges Belmont. Texte dit par Olivier Claverie. Prise de son et mixage, Olivier Dupré. Assistance technique et montage, Nicolas Depagraf. Assistante à la réalisation, Louise Loubrieux. Réalisation, Étienne Vallès. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Le Colosse de Maroussi, d'Henri Miller, est édité aux éditions Buchet-Chastel.